La session du sommet du pays indépendant de l'Afrique est levée. Parmi les résolutions adoptées à Addis Abeba, les plus importantes visaient à parachever la libération du continent africain, donc à libérer l'Afrique du Sud de l'apartheid, à libérer les colonies et territoires sous tutelle d'Afrique australe, mais aussi sur l'Afrique atlantique, la Guinée équatoriale et le Sahara, à libérer enfin le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, l'Angola et le Mozambique, encore colonies portugaises, fortement tenues en main par le régime de Salazar. Voici d'ailleurs les réactions de deux dirigeants de mouvements de libération des colonies portugaises, Mário de Andrade, leader du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, et Amilcar Cabral, leader du Parti de l'indépendance de la Guinée portugaise et des îles du Cap-Vert. Mário de Andrade.